Je te suis dedans. C'était cool tout à l'heure. Hein. Vas-y, continue, en fait. Mène le jeu. Je te suis. C'est dur ça. Non, excuse-moi. J'ai foiré le one beat. Non, c'est pas bon. On n'est pas bon. Ouais, vite. Non, ne sais pas. Mais le rythme est super, super, Dodin.